Moi, je vous dis, c'est un écœur en tri, le niveau de l'ignorance, hein. C'est une écœur en tri. C'est une écœur en tri. Ça n'est, c'est un affront à l'intelligence, pas de l'âme. C'est un affront à l'intelligence cosmique, l'ignorance de l'âme. C'est un affront. Parce que là, je vous dis que quand ils ont chance de communiquer avec vous, ils sont contents, nous, ils savons. C'est donc. Moi, je me rappelle d'avoir le contact comment ce que je vivais. Je vis dans une boîte. D'accord, hey, ton succès, tes enfants, ta famille, ta télévision, ta job, ton voyage au bout de l'année. Tu vis dans une boîte. Puis autour de la boîte, il y a des petits liens. D'où je viens, d'où je m'en vais. Je veux-tu aimer? J'ai peur de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est autour de la boîte, il y a des petits liens autour de la boîte. C'est ça le plan. Pas le c'est la limite de la conscience. Pour que je puisse parler à l'homme, il faut que l'homme puisse m'écouter parler. Si les gens sont pas capables de m'écouter parler, je peux pas parler à l'homme. Parce que je peux pas forcer l'homme à m'écouter. Ouais, je fais ça. Je permettrai plus que des gens retardent mon travail. Parce qu'en retardant mon travail, c'est pas moi qui retarde, moi je suis conscient. Je retarde l'émission des autres. Pour que je puisse fonctionner le plus possible, pour que les gens puissent comprendre le plus possible, parce que les gens doivent comprendre le plus possible, le plus tôt possible. J'ai dit à Croteau un jour, j'ai dit, je peux pas te donner la connaissance, je peux pas t'enseigner. J'ai dit, c'est quoi, j'ai pas le droit de faire ça, je fonctionne pas de même. Je peux te dire, je peux te montrer comment l'approcher. Faut qu'on sache comment aller chercher la connaissance. Bon, faut qu'on apprenne à vivre. C'est bien intéressant. Quand il vous passe une idée dans la tête, il choque un petit peu votre intellect. C'est celle-là qui est bonne. Aussitôt qu'il passe une idée dans la tête, là, qui choque votre intellect, là, ça vous fera impossible, c'est celle-là qui est possible. Ça, c'est une prière. Pognez-la, celle-là, puis allez chercher une information. Si votre ego avait de côté, c'est final. Fait que s'il passe, vous donne un exemple, là, parce qu'il faut que je donne des exemples. Soit vous êtes assis à votre chaise, vous buvez votre café, puis ça vous dit dans votre tête, ou vous pensez que ça vous dit dans votre tête, vous pensez à ça. Que l'homme, c'est pas une créature de Dieu. Là, votre ego va jouer, là. C'est là, là. Que faut que vous la preniez, cette idée-là, parce qu'il y a bien deux autres en haut pour vous faire comprendre quelque chose. Là, le canal est ouvert, essayez de vous en servir pour... Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont me dire, c'est ça. Là, habituez-vous à aller chercher de la connaissance quand ils vont passer un petit filet d'énergie. Là, vous allez devenir ça. On allait chercher un petit filet d'énergie pour pouvoir agrandir la connaissance. C'est ça. C'est exactement. Mais des fois, qu'il me parle, puis d'après aussi vite, tout à l'autre. D'accord. D'accord. Quand c'est pas, c'est comme une impression, là, qui vient de, à un moment donné, j'ai compris ce que c'était que de pas comprendre. Mais je crois que, pas en parole, c'est, il y a quelque chose qui est, ah ouais. C'est pas qui bouge. Il est pas bien, ouais. Là, je vais le chercher. Ouais. Parce que je t'ai dit pendant de, C'est bien, c'est vite. Très vite. Et toi, avec ta sensibilité, ta chance, tu allais en chercher des informations. C'est tout mêlé, là. C'est mêlé parce que t'as encore de l'émotion dans ta connaissance. T'as encore de l'émotion dans ton savoir. T'as encore de l'émotion dans ta vie. C'est ça que c'est mêlé. Mais l'idée doit bien l'émotion. Oui. Qui servait à un moment donné, tu dis sur une cassette, qu'ils construisent de la nuit, le matériel qui leur sert le jour pour nous aiguillonner, en fin de compte. À un moment donné, ça veut dire que c'est quoi la nuit? Il y a des coupures qui se font, puis il y a des rêves, puis à un moment donné, tu rêves plus, faut-tu. Moi, je sais plus, là. Je sais plus rien. C'est noir. Quand c'est noir, c'est là, ça fait partie du cleanup. C'est pas le fait de réaliser qui change les choses automatiquement. Mm-hmm. C'est ça qui est m'énerve. Les conditions de vos esprits de l'endroit, ils sont toujours en relation avec le travail qu'ils font. Tout le temps. C'est à vous autres, avec toutes les jasettes qu'on fait, c'est à vous autres de pouvoir comprendre ça, puis vous mettre au neuf capable. D'abord, ils vont pas vous amener à vibrer à leur énergie trop vite. Parce que c'est trop dur. Mais au moins, ils vous amènent à vibrer à l'énergie graduellement, graduellement, graduellement, graduellement, graduellement. C'est pas important de trop vite. Ou vite. Il y a un temps à chaque chose. Et quand ils vous mettent quelque chose dans la tête qui semble être impossible, contre, anti, j'ai gagné un petit là. Parce que c'est là. Moi, des fois, ils me passent quelque chose, je dis, wow, c'est intéressant, ça. Moi, c'est parce que je suis tellement conscient d'eux autres que la moindre chose qui me passe, je la prends. Là, je dis, qu'est-ce que tu dis là, là? Ils me l'expliquent. Ah. Ah, ça dépend, ça dépend, ça dépend de vous autres. Ça dépend de vous autres. Mais éventuellement, ils ouvrent le canal. Éventuellement, ça ouvre, ça ouvre. Mais ils peuvent pas aller trop loin parce que si elle est trop loin, trop vite, vous seriez comme des haut-parleurs. C'est ce que je veux dire. Tu n'as été une pendant 4 ans. Parce que l'homme, à cause de son émotion, quand il reçoit des choses qui sont vastes, qui sont universelles, il veut les transmettre. Il y a rien à transmettre. Rien. On veut transmettre. Je faisais pas, c'est trop bien de l'avoir. D'accord. Ça peut être notre émotion pareil. Si tu transmets de l'énergie à une personne par ce biais-là, faut que tu puisses t'assurer de continuer le travail que tu as commencé. Là, on lâche. Si tu parles à une personne, tu changes son esprit, parce que tu changes la vibration de son esprit. Faut que tu puisses avoir la force de continuer ce travail-là. Hmm? C'est toi qui dis, occupez-vous vos agneaux. Regarde ce qu'il y a quand il y a des gars comme Moïse à Nord. Moïse, c'est ça, tel gars. Qui se fait dire, calme-toi, le beau minou. Il faut un minou. Il te fera pas ce qu'il y a. Tu vas dire, calme-toi, le beau minou. Il se fait dire par des entités dans le monde des esprits qui va avoir un drame mental en février, puis la fin du monde en février. C'est fort, puis ça va être des autres morts. Donc, imaginez-vous s'il se ferait dire par eux autres en haut quelque chose, c'est par le terrain même du rêve. C'est l'opposé complètement, parce que les autres, quand ils disent quelque chose, c'est pour toi. C'est pour ton évolution, pour ta compréhension, pour ton système interne, pour ceux avec qui tu vis d'une façon proche. C'est final. Ils vont aller chercher tout le monde là-dedans, qu'ils soient en Afrique, au Japon. Non! Donc, c'est pas à vous autres de vous inquiéter de qui ils vont aller chercher. Mais quand vous rencontrerez ces gens-là, ben, au moins, vous saurez comment parler avec ces gens-là. Vous serez sans même longueur d'onde. C'est une illusion spirituelle, ça. Faut qu'on aille back de cette illusion-là. Mais ça, j'en ai assez parlé. Les gens comprennent un peu plus. Hein. Moi, des fois, quand je regarde la situation de l'homme vis-à-vis eux autres, c'est tellement vaste que les mots, j'en ai pas de mots pour l'expliquer. Quand je reçois une vibration, ça reste là, ça meurt là dans mon esprit. Mais quand j'ai les mots pour les expliquer,

T'as pas tant ça. Saint-Bernard qu'on dit, fais que tu es, fais que tu m'as, fais que tu es de l'autre côté parce que l'ego. Exactement. L'ego se continue d'autre bord. C'est ça. Ouais, ça, je l'aime bien, celle-là. Ça, ça passe la première fois que tu me dis ça. Tu veux me taper? Je prendrais un petit chat. Avec un petit chat de blouse à main. C'est pas bon. Ça, c'est bien important de comprendre ça, parce que ça, c'est de la nouvelle instruction qu'on reçoit, que quand l'ego est totalement transmuté, il devient de l'esprit. Puis de l'esprit, ça ne se détruit pas, ça ne se tue pas, ça ne se ment pas, ça ne se détériore pas, parce que de l'esprit, ça fait partie du grand esprit que tu deviens. Plus l'ego se transmute, plus on devient esprit. C'est ça, dans cette émanation de l'âme, on dira que l'homme, il est esprit. Pourquoi de la sixième? De la sixième, c'est début. C'est pour ça qu'on se le fait, c'est d'éliminer cet ego-là. C'est ça. C'est quoi? L'ego, c'est la caricature de l'esprit. C'est un masque. Là, il dit, ça leur fait rien d'employer le mot esprit. Faut que le masque soit détruit. C'est ça. Quand le masque de l'ego est détruit, quand le masque de l'esprit est détruit, à ce moment-là, l'homme est dans la puissance de la lumière. Parce que l'esprit de l'homme et l'esprit universel, c'est la même chose. Seulement, l'esprit universel, c'est fait de la perfection d'infinité, tandis que l'homme est fait de l'infinité de la perfection. C'est la différence entre les deux esprits. Ce sont toutes des différences quantitatives ou énergétiques. Oui, mais c'est de la même matière. Quand c'est de la même matière. C'est de la même matière. Ça ne montre pas pourquoi est-ce qu'un homme qui est rendu dans son esprit peut commander la matière, puisque la matière est faite d'esprit, commande n'importe quoi. La matière lui obéit. Puis c'est ça qui se passe avec les extraterrestres. Les extraterrestres, quand tu veux partir de 4,5 à 1 million, ils sont venus sur la planète Terre, Charlie, ça me prend 2 semaines. Yeah. Tu te promènes dans les terres ici, puis ils ne voient pas. Ils ne voient pas, ils ne voient pas. Donc ça... Mais il dit que c'est une information très importante, que l'ego, quand l'ego est transmuté, l'homme devient dans l'esprit. L'homme développe son esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qui est le pouvoir, et non dans l'ego. Si vous le renaissez dans l'esprit, vous me répondez, c'est ce qu'on c'est ça, dit. C'est ça, ok. Renaître dans l'esprit, exactement. Bien dit. Je savais ce qu'il disait. Il faut comprendre ce qu'il dit. La comprendre, c'est dit. Sans ça, on tombe dans des formes spéciales, parce que notre ego va être un peu plus spécial à sa façon. Oui, mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas. Mais on commence à comprendre. J'aime bien ça. Oui, j'en appelle à faire depuis que je te connais, mon travail, il change de semaine en semaine. Je me rends compte que le gros punch de ma job, c'était de puncher ses égos. Ferrer te disait, quand tu commences à changer les vibrations d'une personne, que tu t'en occupes jusqu'au bout, tu fais 17 vidéos chez la job. Moi, c'est ça, baronné, moi, sauter. Ouais, mais c'est une façon de parler quand je parle de même. Quand je parle de même, ce que je dis, c'est que si tu commences à te lier avec une personne vibratoirement au niveau de ton esprit puis du sien, c'est évident qu'éventuellement, il va s'établir un lien vibratoire avec, entre toi et cette personne-là. Mm. Fait que c'est dans ce sens-là. Il y a une réponse côté, implique-toi pas ou tu vas le faire. Au niveau de ton ego. Si tu t'impliques en esprit, c'est une autre chose. Oui. Comme moi, je t'implique avec vous autres en esprit, mais c'est pas au niveau de mon ego. Fait comme ça, je me vide pas. Mais si je m'implique au niveau de mon ego, je m'éviterai. C'est ça, c'est que ton information passe au niveau de ton esprit. Faut que ce soit au niveau de l'esprit. C'est pareil. Oui. Si son information passe au niveau de son esprit, là, il n'y a plus affaire aux gens. En somme, les gens s'arrangent avec ce qui leur a passé. C'est ça. Le travail, c'est, après ça, c'est comment ils veulent. C'est ça. Il dit du moment que vous n'impliquez pas en ego. Impliquez-vous en esprit. Puis en esprit, vous, automatiquement, vous allez savoir quand vous impliquez, quand pas vous impliquez. C'est quand l'ego vous donne un avant parce que l'ego s'arrête pas. Ça fait toujours de l'overtime. Je te le dis dans son œil. C'est ça. Ils vont te le dire. Mais c'est libre, quoi. C'est ça, quand je vous dis quelque chose, puis vous comprenez pas, c'est super, mais ramenez-les-moi pour que je le mette à point. Sans ça, ça nous crée des tensions. Moi, je trouve ça difficile, des fois, de... Mine, là, tu n'es pas monopolisé, ma soeur. C'est pour ça que vous êtes difficile de tuer l'ego, ben, par rapport à l'esprit, parce que, il y a quelques années, le contact que j'avais, il était clair, j'avais ça clair comme de l'eau de roche. Oui, parce que, il y a quelques années, le contact devait spiritualiser ton ego. C'est pour ça que le contact était clair. Ça faisait partie de ta, de la transformation des corps. Il fallait que la spiritualisation se fasse. Fait, donc, le contact a spiritualisé ton ego. À cette heure que l'ego est assez spiritualisé, il faut que le contact le déspiritualise. Puis le contact déspiritualise l'ego en se retirant. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être trois. Bon, puis là, ben, il y en a deux qui gagnent, c'est la polarité. À un moment donné, ça vient, puis aussitôt que j'en prends conscience, toute cette année, là, ben, la question qui me vient à l'esprit, puis qui reste tout le temps, qui me vient là, qui reste tout le temps sans réponse, c'est qu'est-ce qui reste maintenant, de moi et toi, qu'est-ce qui reste? Ou bien, à un moment donné, par exemple, dans mon travail, que ça m'est arrivé, j'ai un cours de 25 minutes à donner, je commence à donner le cours, je suis consciente, là, je commence à donner, fait que, oh, je réalise, ça fait 20 minutes que je parle, je m'en vais, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas si, je bute sur un mot, puis là, c'est comme si je revenais. Là, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est apporté, je sais plus. Là, ben, ça, des leçons qui restent bien rendues. Oui. La transmutation de l'ego en esprit. Puis que quand on va comprendre ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est pas vrai l'ego. On va être bien. Là, on va être bien. Là, on fera pas de gamme. On fera pas d'overtime. On va être neuf. Il n'y a pas d'émotion. C'est la première fois qu'il m'explique clairement que c'est la relation du groupe. Parce que ça vient souvent, il y a un moment. Il faut se répondre d'une certaine façon. Il y a encore d'autres. Oui. Je me demandais ça si le monde est vite de dénoncer ou d'en passer. Oui. Les matins, ils ont cru. Est-ce qu'on va dire ça encore, le réveil? Non. Non. Non, parce que les gens vont aller discernement. Est-ce que ça va jusqu'où elle lance le gars sur le discernement? Le discernement, ça va jusqu'au... Le discernement, ça va. Le discernement, ça permet à l'homme de totalement se spiritiser. C'est la conscience. Les martyrs, ça faisait partie de l'évolution. Ça faisait partie des conditions de l'ego. C'est le pire de l'ego. C'est une des manifestations, la pire faveur de l'ego qu'il y a eu, les pires. Parce que les êtres humains autour d'un ego imputaient à l'ego ces gestes, c'est un comportement. Comment ça? What's it done? C'est ça, je veux dire. Par le passé, là, moi, je trouve que c'est un bon exemple parce que finalement, les êtres humains autour mettaient ça sur le dos de la personnalité du gars au lieu de dire que qu'est-ce qu'il véhiculait. Là. Parce que là, discernement, tu comprends que tout ce qui est dit, c'est à sa place. Il faut que ça soit là. Quand rien est inutile, parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus de dire, bon, ben, si quelqu'un te tend la gueule ou quelque chose, tu dis, il y a une raison. Puis en arrière de cette raison-là, il y a une autre raison, puis une autre raison, puis une autre raison. Fait qu'à ce moment-là, il finit d'arriver. Chacun a raison. Ouais, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Parce que si ça se produit, c'est là, c'est ça. C'est ça. Tout le monde moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, on veut faire confronter avec, ils disent que l'universel, que les aussi, que ce que l'on peut davantage. Est-ce qu'on va être confronté à répondre comme Saint-Jean, non, je ne connais pas, je suis pas de ce côté-là, c'est mon âge. Non, on serait pas confronté à rien, parce qu'on aurait été confronté à soi-même. C'est ça. Quand t'es conscient, tu dois rien à personne, ma chère. C'est ça. Mais oui, mais si quelqu'un nous oblige à répondre. Personne ne peut t'obliger à rien. Parce que personne, quand tu le dis seulement, personne ne sait qui tu es. Oh. C'est toi qui t'oblige, hein? Je vais voir plus de gens. Moi, j'ai l'impression que d'aller l'année à l'année, ça va être bien visite, bien stress de la peur, puis donc, t'es là. Oui, mais ça, ce sont des impressions spirituelles qui font partie encore des formes qui sont véhiculées à l'âme par le monde des esprits. Le lien universel, ça vient d'où? On devrait le voir. Tu le penses, ça? Ça vient d'où, la connaissance du lien universel?